Dans un monde où les personnes que l'on déteste le plus pourront toujours nous atteindre. Un monde où plus on grandit, moins on accorde de temps aux choses qui nous sont précieuses. L'hiver arrive, et tous les bipolaires savent que c'est une période douloureuse pour nous. Je ne comprendrai jamais pourquoi mon environnement externe influence autant mon être. Pourquoi mon corps ne s'adapte pas aussi facilement que les autres à ces changements de température. Pourquoi je vis dans le béton alors que je rêve de sable et de soleil. On me disait fais des études pour faire ce qu'il te plaît plus tard. Bah on y est. Ma chambre d'ado est devenue un salon de jeune adulte. Ma chaise de bureau avec des autocollants Zelda est devenue un canapé Ikea. J'ai changé de télé, je paye mes factures, et me voilà dans le monde des adultes. C'est fou à quel point on peut avoir envie d'indépendance lorsqu'on est jeune, et très rapidement se rendre compte à quel point la vie n'est pas celle qu'on attendait au départ. Les gens prennent leur direction, politique ou sentimentale. On change avec le temps, et le temps change avec nous. L'avantage d'être chez ses parents, pour ceux qui ont eu la chance de vivre avec, c'est qu'on peut encore rêver. Maintenant, c'est plus compliqué. On regarde tous ces clips à la télé, et finalement on comprend que tout ça c'est de la merde. Le bonheur tient un peu de choses alors que le malheur peut s'accrocher partout. C'est facile de s'estimer heureux en se comparant aux plus démunis. Moi j'en ai rien à branler. Chaque année c'est la même chose. Je veux plus voir personne. Les gens commencent à me trouver bizarre, puis se souviennent que finalement, c'est juste un rituel. J'ai besoin de personne pour réfléchir. J'ai même besoin de tout le monde pour me sentir seul. Je pourrais très bien m'envoyer des mails tout seul, écrire un journal intime que des gens découvriront plus tard. Mais j'ai la chance de vous avoir, vous, donc maintenant j'en profite. Difficile de savoir si la Terre continue de tourner pendant mon sommeil, si les gens ne sont pas inactifs chez eux, et ne font rien quand je suis pas là pour les observer. Si la vie est un jeu qu'à la fin on obtient nos scores, je pense que j'obtiendrai un énorme sujet. Difficile de savoir si des gens contrôlent les voix que j'entends dans ma tête, si je dois leur répondre, les ignorer, ou n'en parler à personne. De toute façon c'est trop tard, elles parlent trop fort pour moi. À bientôt.